J'ai peur avec le temps qui passe. J'ai peur, j'ai la tête qui éclate. Lorsque je me cache, c'est pour laisser place à mes rêves qui peu à peu s'effacent. Ma plume est guerrière, j'arrive pour les temps d'atmosphère. Je te toxine, t'as vu tout là, ça arrache, hein. Accorde mes pilotes en chien. Je le soublie du rap, je vous mets des doses de vaccin. Pilote pour Jumi, nique sa mère le RMI. J'assure, ton rap me cassure, mon rap une rupture. Freestyle, ton rap parce que dans l'obscurité. Énervé, ton végéta enragé. J'suis un pitbull, moi tu te sens des merboules. Personne t'a déjà dit dans la pérage une boule. Ça vole dans la vie comme un alcoolique. Aussi hard, que les keufs des boules. C'est le sang des voyeurs assortis. Trop de méprise, encore un poulie. Toi t'es un bon récit, c'est ton document. Dieu, y'a rien qui me fait peur. J'ai juste quelques craintes comme l'arrivée de mon heure. J'ose parler que mon cœur et ma détermination. J'aime gagner, je suis un vainqueur et j'emmerde la nation. J'enterre la fiction, j'ai du vécu, je suis pas un mytho. Je connais pas la pression, j'ai découillé, je vais du ghetto. À coup de marteau, je viens briser la concurrence. Même si trop sans transparence, je me méfie des apparences. Je vois que ça t'arrange, mais non, range tes portes, c'est du Luna, Zinzai. Vite ce top, on arrache la côte, brise les portes sans faire toc. Et même à l'arrache mon pote, on débarque et on choque. A chaque fois qu'on déclenche des sons et mon chip, c'est la claque, l'avalanche, car on sait faire un agit. Viens du 9-9 street, j'oublie pas mon équipe, que les mecs et meufs cuivent. Et tiens, que le positif. J'ai peur.